Vous pointez sur des points imprimables. Il renvoie dedans, de l'air. Arrête. Là, je sais pas vos horaires, mais je sais que Julien est fini tôt, donc je vous demande si vous voulez repartir. Viens là,